un banana split. On n'en prend jamais. C'est trop monstrueux. Presque fade à force d'opulence sucreuse. Mais voilà. On a trop fait ces derniers temps dans le camailleux raffiné, l'amertume ton sur ton. On a poussé jusqu'à l'île flottante, le léger vaporeux, l'insaisissable, et jusqu'à la coupelle aux quatre fruits rouges, la luxuriance estivale mesurée. Alors pour une fois, on ne saute pas sur le menu la ligne réservée au banana split. Et pour vous ? Un banana split. C'est assez difficile à commander, cette montagne de bonheur simple. Le garçon l'enregistre avec une objectivité déférente, mais on se sent quand même un peu penaud. Il y a quelque chose d'enfantin dans ce désir total que ne vient cautionner aucune morale diététique, aucune réticence esthétique. Banana split, c'est la gourmandise provocante et puérile, l'appétit brut. Quand on vous l'apporte, les clients des tables voisines lorgnent l'assiette avec un œil goguenard, car c'est servi sur assiette, le banana split, ou dans une vaste barquette à peine plus discrète. Partout dans la salle, ce ne sont que coupes minces pour cigognes, gâteaux étroits, dont l'intensité chocolatée se recueille dans une éthique soucoupe. Mais le banana split s'étale. C'est un plaisir à ras de terre. Un vague empilement de la banane sur les boules de vanille et de chocolat n'empêche pas la surface, exacerbée par une dose généreuse de chantilly ringarde. Des milliers de gens sur Terre meurent de faim. Cette pensée est recevable, à la rigueur, devant un pavé au chocolat amer. Mais comment l'affronter face au banana split ? La merveille étalée sous le nez, on n'a plus vraiment faim. Heureusement, le remords s'installe. C'est lui qui vous permettra d'aller au bout de toute cette douceur languissante. Une perversité salubre vient à la rescousse de l'appétit flageolant. Comme on volait enfant des confitures dans l'armoire, on dérobe au monde adulte un plaisir indécent réprouvé par le code jusqu'à l'ultime cuillerée. C'est un péché.